être avec toi, mais je vais m'arrêter à ce moment. Alors Philippe, bonjour. On est dans la manif de Rouen, on est déjà le combien ? J'allais dire le 9 janvier, mais non, on est le 16. Vous portez une banderole retraité de la fonction publique. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer, vous êtes déjà retraité, vous êtes solidaire des gens qui manifestent ici ? Absolument, parce que d'abord j'ai des enfants et des petits-enfants qui sont très impactés par ce qui va se passer et que le système de retraite à points est une aberration. Et les retraités de la fonction publique sont regroupés au sein d'un syndicat spécifique ? Alors là, c'est la FGR, Fédération donc, Générale des Retraités de la Fonction Publique, qui est un regroupement de plusieurs syndicats, dont la FSU, entre autres. Et donc, effectivement, je milite au sein. Mais de toute façon, tout le monde est impacté, parce que il y a un grand flou artistique sur ce qui va se passer, la mise en place de cette fameuse loi sur les retraites, et qu'en fin de compte, même l'avenir des retraités, même si on nous dit non, on ne sera pas touché, ça risque un jour ou l'autre de nous impacter. De toute façon, on n'a eu aucune augmentation depuis 2013, donc déjà, plus la CGS qui a été mise. Donc on voit qu'au contraire, au lieu d'avoir un équilibre de nos retraites, c'est plutôt un déséquilibre avec un grand manque à gagner. Et qui va s'aggraver avec la nouvelle réforme. Et qui va s'aggraver de toute façon, malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Ça, on est à peu près sûr, de la manière dont ils traitent les choses, il n'y a pas de souci. On va être impacté. Ouais. Mais on continue à marcher. Voilà. Et on ne va pas lâcher. Et on ne va pas lâcher, non. Bah, de toute façon, il faut bien démontrer, contrairement à ce qu'ils croient, qu'il n'y a aucune démobilisation. Les gens ne peuvent pas être 24 sur 24 en grève, c'est pas possible. Donc il faut de toute manière soutenir et montrer qu'on est là. Là tout de suite, il y a même les avocats qui sont devant le fourgon de la FSU, donc ce qui démontre que toute catégorie socio-professionnelle, on est tous impactés. Merci Philippe. Voilà. Bonne manif. Je ne vais pas vous réinterviewer à chaque manif quand même. Hein. En ce moment, comme on se voit tous les jours, une interview par jour. C'était quand même répétitif. Bon, bonne manif. Bonjour. C'est le lycée Saint-Exupéry qui est en grève. Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que le lycée Saint-Exupéry est en grève aujourd'hui ? C'est le collège Saint-Exupéry. Le collège, de Rouen ou de où ça ? Non, c'est de Forges-les-Eaux. Forges-les-Eaux, ouais. Ok. Vous êtes venu de Forges-les-Eaux pour manifester à Rouen, oui, ce matin, ça. 16 janvier. Oui. Vous êtes prof ? Oui, je suis prof. Ok. Bon, oui. En vrai, moi, je suis prof au lycée à Neuchâtel. Ouais. Et c'est pour soutenir mes collègues et aussi pour mon lycée, mais on n'a pas fait de banderole alors. D'accord, donc vous tenez la banderole des copains. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui ? Contre la réforme, tout simplement, voilà. Ok. Donc je la trouve profondément injuste. Donc c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Et vous êtes en grève vous-même ? Ah, je suis en grève, oui. Vous êtes en grève ? Oui. Ok. Et vous allez le continuer à l'être ? Parce que Philippe, Macron, Blanquer, tout le monde dit que ça s'amenuise, que ça se termine. J'ai pas l'impression, là, dans la grève aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même du monde encore. Ouais. Donc, non, je pense pas. Je vais essayer de persévérer. Donc, c'est vrai que ça commence à être long, mais non, il faut persévérer parce que, comme je vous dis, je la trouve profondément injuste, cette grève, cette réforme plutôt. Voilà. Merci. Votre prénom, c'est quoi ? Pardon ? Votre prénom ? Olivier. Olivier, merci Olivier. Anti-capitaliste, anti-capitaliste, anti-capitaliste. dire, on va vous manifester aujourd'hui. Contre le gouvernement de Macron qui nous vole constamment, quoi. Voilà. Les retraites, le pouvoir d'achat, voilà. Il y en a marre. Voilà. Et vous n'allez pas arrêter? Oui. Non. Comment vous vous appelez? Annie. Pour tous nos blessés, pour tous les morts, pour tout, on ne peut plus arrêter maintenant. C'est fini. Macron, il est mort. Voilà. Ils n'arrêtent pas de dire dans les médias et tout ça que le mouvement est en train de s'amenuiser. Vous voyez? Ouais. Non. Non, non. Les médias, il ne faut plus les écouter, c'est des menteurs. Il faut écouter que les médias indépendants. Ouais, c'est ça. BFM, tout ça, c'est les télés à Macron. Donc, voilà. Ah, on est bien d'accord? Voilà. Merci Annie. Bonjour, c'est quoi ton prénom? David. David, est-ce que tu veux me dire pourquoi tu es là dans la rue? Bon, en fait, on est là pour lutter contre le projet de loi retraite. En fait, on veut un retrait total et non pas simplement l'abrogation de l'âge pivot à 64 ans, qui est juste un leurre pour simplement dire on fait quelque chose pour les syndicats. Et nous, on est là depuis 14 mois pour lutter contre la précarité, une justice sociale et du mieux vivre pour tout le monde. Vivre par son travail. Gilet jaune, toi? Oui. Gilet jaune de quel endroit? Barentin, très précisément. Barentin. Oui. Okay. Et les médias dominants n'arrêtent pas de dire qu'il y a 0,2% de motivation en moins aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, regardez. Ouais. Hein, regardez ce qu'il y a dans toute la France. Hein. Moi, je veux bien les chiffres à 0,2%. Bah, si à 0,2% de moins, on est comme ça, bah, on veut bien continuer cette stat-là. C'est cool. Très bien. Okay. Ça nous convient. Hein. Merci, David. Il n'y a pas de quoi. Bon Bonne courage. Manif. Merci. Ça va et toi? Bonjour. Je vous revois avec votre joli maquillage d'Apache. Bonjour. Bonjour. Gilet jaune. Oui. De quel endroit? De tout, de partout. De partout. D'accord, vous êtes partout à la fois. C'est ça. Ok. Et vous avez un panneau qui représente la Terre. Et la Terre, elle est à qui? Elle est à tous. Exactement. Donc il faut faire attention à la Terre et à ses habitants. Et tous les habitants. Donc ça veut dire que même si on fait dans l'environnement, il va falloir faire attention à une justice sociale en même temps. Voilà. Que les deux choses sont liées. Voilà, exactement. Pour moi, tout est lié. Et la retraite, bah voilà, c'est un point noir, mais ce n'est que jamais que le bout d'un iceberg. Qu'on appelle le capitalisme, peut-être? C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je reviens à chaque fois et qu'il faut se mobiliser. Votre prénom, c'est quoi? Céline. Merci Céline. De rien. Bonne manif. Merci, salut. Bonjour. Bonjour. À côté de Céline, il y a des blouses blanches. Oui. Qui viennent d'où ça? Du CH du Rouvray. CH du Rouvray. Et à côté, il y a un collègue apparemment. CH du Rouvray. CH du Rouvray. Ouais. Je voyais marqué Rouen, Dieppe, Elbeuf. Oui, c'est okay. Fédération des sociaux. Et CFDT. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec le fait que c'est terminé? Il y en a. Dans la CFDT? Il y en a, oui. Il y en a. Contrairement à ce qu'il dit, il y en a. Voilà, et on se rend compte quand on étudie. Alors là, sur le. Quand on étudie un peu le texte et sur la fonction publique en général, la retraite, le fonctionnement de la retraite là, va faire qu'on va perdre beaucoup. Et puis en général dans les hôpitaux, je sais pas, quand on suit un peu l'actualité, ça va mal depuis longtemps. Et c'est pas prêt de s'améliorer quoi. C'est pas prêt de s'améliorer, il n'y a personne qui parle. Les annonces qui ont été faites du gouvernement, c'est des gouttes d'eau sur les financements et l'hôpital il meurt la gueule ouverte quoi. Et vous n'êtes pas content d'avoir les pièces jaunes de Brigitte Macron? Je vais éviter d'être mal poli. Ouais, c'est ça, moi aussi, ouais. Il y en a un qui démonte pendant que l'autre récolte des pièces. Bah, ouais, puis enfin, sur notre établissement, encore cette année, on nous demande 800 000 euros d'économie, alors qu'on est censé avoir compris et qu'on rachète des dettes. Et c'est du flan, c'est insupportable. Et les pièces jaunes, c'est très bien, hein, c'est sympa pour améliorer des pièces, mais... Quand vous dans un bâtiment où il y a 30 pièces, vous allez en refaire une, les 29 autres, elles restent pourries, la peinture, elle s'écaille. Enfin, c'est oui, juste... Et ça permet pas d'embaucher des gens non plus. Ah bah non, ça ne permet pas d'embaucher non, des non. gens. Non, non. Non, on a eu une belle fresque et un baby-foot. Merci Brigitte. C'est ça. Merci Bernadette. Brigitte. Merci Bernadette, ouais, c'était il y a longtemps. Vos prénoms, c'est quoi? Étienne. Sergueï. Merci. Bonne manif. Bon courage. On passe à un croisement, il y a un véhicule de police qui bloque la circulation et qui a donc droit à quelques... C'est ma prise de son. Ta prise de son à toi toute seule. Tu vas bien. Juliette, sa spécialité, c'est le son. Voilà. C'est super. Moi, je lutte avec du son. Avec du son. Et Dominique, tu fais quoi dans la rue, là? Je manifeste depuis déjà pas mal d'années. Il ne sera pas dit que les vieux ont sacrifié les jeunes. On a fait ce qu'on a pu. Hein. C'est-à-dire pas mal de kilomètres. Mal de kilomètres, exactement. Mais on est toujours là, comme dit la chanson. Voilà. Mais ils sont coriaces au gouvernement. Hein. Ouais. Et nous, on c'est est plus coriaces. Même pas. Mais j'espère qu'on va être plus coriaces. C'était même pas dit qu'on soit encore là aujourd'hui, hein, dans la rue. Hein. Et ça veut dire que voilà, c'est très bon que ça dure et que ça continue. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Les ports sont là aussi. T'as 9 villes portuaires des plus gros ports de France qui sont en grève, qui bloquent. Port-Mort, Rouen, Havre notamment. Voilà. Et ça, c'est déjà bien, c'est top. Bon, faut pas que les autres s'arrêtent de faire grève quand d'autres corporations s'y mettent, sinon on va pas encore faire le nombre. Bon, voilà. Et toi, tu es dans quelle organisation? Tu manifestes au nom d'une organisation? Moi, j'étais syndiquée CGT Éducation. Je suis toujours CGT Éducation. Okay. Donc, comme je suis retraitée, mais je vais revoir tous mes anciens collègues qui luttent toujours. Je vais la... voilà. Donc, Virginie, là, qui est à Bartholdi. Tu vois, regarde la banderole. Ouais. Je la vois avec une... la liberté qui fait un bras d'honneur. Ouais, une statue de la liberté. C'est une prof d'art plastique, là, à côté, qui l'a dessinée. Ça, c'est bien. Ouais, voilà. C'est bien. Merci. Bonne manif. Et ça passe où, alors, tes émissions? Là. Ah, la centrale. Okay. Ouais. J'ai écouté ça. Ouais. Écoutez la centrale. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous voulez expliquer pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Non, je suis pas un bon, je suis pas un bon candidat. Mais peut-être non, Gilles. Non, merci. Moi, j'aime bien les gens qui ne sont pas des bons orateurs. C'est vrai, parce qu'il y a des choses nouvelles c'est qui sont qui, dites. Alors c'est pour qui? C'est pour des radios associatives qui participent à la grève. Alors, non, moi, je suis dans la rue comme d'habitude. J'ai toujours été dans la rue. Alors, le motif, c'est le retrait du projet. Mais c'est vrai que on est là. Mais franchement, il n'y a pas que le retrait du projet, quoi. C'est les conditions de vie des gens et notamment des plus démunis. Parce que voilà, c'est ça le problème que moi je regrette que ce ne soit pas ça la revendication principale, quoi. L'amélioration, on est contre le fait que des gens ils puissent pas finir le mois maintenant à partir du 12, ou même il y en a qui ne peuvent même pas le commencer, quoi. Et donc moi je suis dans la rue pour ça. Donc je détonne un petit peu avec le retrait du projet. Moi, je crois que c'est absolument pas suffisant, quoi. Et même si jamais Macron le retirait, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Ça risque de démotiver alors qu'on pourrait annoncer les vraies motivations des plus démunis. Voilà, en gros. Et bon. Vous défilez là au milieu des cortèges éducation, vous êtes prof éducation, vous-même? Éducation, moi je suis prof à la retraite, mais en réalité, je suis plutôt proche des positions des gilets jaunes. Bon, au début, c'était pas trop. Et puis maintenant, je m'aperçois, même si c'est pas très organisé, comme on dit, n'empêche que, voilà quoi, moi j'y côtoie des gens qui sont dans de grandes nécessités et ça me plaît beaucoup, quoi. Ça me change un petit peu... on va dire entre guillemets des ronrons de mes collègues profs, quoi. Bon, n'empêche qu'ils ont raison de se motiver, hein, et de se mobiliser, on est d'accord. Mais moi, la motivation, c'est plus plus de justice sociale, ça devrait être ça qui est mis en avant. Parce que la réforme des retraites, oui, mais on n'est même pas tous égaux devant les retraites. Moi, je sais, je suis enseignant, je touche 1900 de retraite. Bon, et moi, on peut penser que je suis les gilets jaunes ou autres, les démunis, ils peuvent penser que je suis très bien, très très, très bien loti, quoi. Donc, pour moi, ça n'a pas... Bon, le sens du retrait, moi, je ne sais pas. Je trouve que ça, la revendication, elle me paraît faible. Voilà. Donc, peut-être que je m'étonne un petit peu. bien sûr, révolution, et puis rapidement, bon, enfin, quand on peut, quoi. Mais au moins, mettre ça en avant, perspective, quoi, parce que là, voilà. Mais je suis là, je critique la mobilisation de l'intérieur. C'est le plus important pour moi. Je suis là, j'ai toujours été là, ça fait 40 ans que je milite, quoi. Et voilà, hein, donc on voit la couleur de la peau, hein, je suis antillais. Et bon, bah regardez, dans la manif, vous en voyez beaucoup des antillais? Non. Donc il y a un problème. Il y a un problème de mobilisation, on s'adresse à qui, quoi, hein? Et puis les maghrébins, c'est pareil. Et puis les gens des quartiers, c'est pareil. Voilà, donc c'est très, très, très resserré sur... Bon voilà, ça mérite d'être élargi. Sur la classe moyenne blanche, vous voulez dire? Ouais, classe moyenne blanche, et puis peut-être aussi ben, les gens qui sont pas forcément dans une grosse nécessité. On le voit dans le cortège, de toute façon. Moi, je me reconnais beaucoup mieux quand je marche avec les gilets jaunes. D'ailleurs, je vais les rejoindre. Ouais. Votre prénom, c'est quoi? Eric. Merci Eric. Eric, ouais, ben voilà, merci. Oui.